stokkelen. Echt je van, on veut de la qualité. À Fort Brun. 89. J'ai constaté qu'il fallait baisser son fut pour réussir dans le rap. Grâce à ces chiens qui s'en vont coder, n'avoir plus dans le gras. Et ça c'est fait, du moins c'est dit. Même si je ressasse des faits, mon frère faut bien sévir, putain. De côté le tac, je vais tarter la première industrie qui soit le cul voudra me poser le talc. J'suis pas de ce bord, tes plans écartelés. Ici ça rapporte quand les notes se font marteler. Mais je crois pas te surprendre, je veux que la reconnaissance qu'on se quand je place des frères et tout le monde connaissance. Y'a du lourd devant les MC d'étale. Donc sachez qu'on ramènera l'eau et pas le petit détail. Riff à dealer, que ça sonne terrible. Comment j'apporte mes rimes avec la même présence que John Terry. Voilà ses attaquants et j'en suis le capitaine. T'as pigé, c'est attachant, alors obligé t'as. On veut de la qualité comme la verdure des Pays-Bas. Le point levé, Bellec, s'il y a un Pays-Bas. Tu sais ce que t'attends si t'obéis pas. Les prods sont marqués comme des chiens pour leur territoire. Qualité comme la verdure des Pays-Bas. Le point levé, Bellec, s'il y a un Pays-Bas. Tu sais ce que t'attends si t'obéis pas. Les prods sont marqués comme des chiens pour leur territoire. C'est l'effet d'un avion dans une tour à New York. Tu voulais ta place, ouais. Mais non, t'auras New York, c'est riff à l'imparable. J't'invite à ma table, viens goûter à la frappe. Écouter le rap coupé à la face, balèze. Allez, t'espérais peut-être qu'on allait se perdre. Indépendant, on reste, on va pas inhaler d'sperre. Ni pareil que somme père pedestre. Le poil se dresse et son claque comme sur une paire de flèches. Au père de face, j'suis pas en dèche de face. Parmi les faibles, j'te classe. Tu joues, tu perds, tu traces. Tu poses que de la merde. Les gens croient que tu rappes par le cul. À qui parles-tu? On pense hip-hop et non à la thune. À l'affût de l'anti-pop et du mic derrière. Y'a du taf, j'perds pas de temps, je sors le matériel. Dans le rap, j'suis précoce, j'préfère tout cracher tout de suite. Prends tes précautions, ouais. Et si t'as capté, on veut de la qualité comme la verdure des Pays-Bas. Le poing levé, Bellec, s'il y a un Pays-Bas. Tu sais ce que t'attends si t'obéis pas. Les prods sont marqués comme des chiens pour leur territoire. Qualité comme la verdure des Pays-Bas. Le point levé, Bellec, s'il y a un Pays-Bas. Tu sais ce que t'attends si t'obéis pas. Les prods sont marqués comme des chiens pour leur territoire. C'est à deux qu'on repart à l'attaque face aux Hatton et Baker. Les gens s'affolent dès que la prod est dans le lecteur. Pas là pour sucer des queues ni pour briser des cœurs. Le rap et nous avons ensemble comme le bise et les cœurs. Stokely, Warifa, c'est 8-9, Varipa. On est les favoris, c'est l'erreur si tu parles. La mission est corsée, autant que l'addition, l'addiction est forcée. Jet, ouais c'est la tradition. On a les faces que t'as pas et le rap qui te colle au tapis. Ne crois pas qu'on tapine, on met les gars, c'est l'école de la piste. On se répand comme la peste et t'aimes comme la tisse. Bouge la tête si t'es pas traumatisé. Là on t'a renseigné, oui, passe voir les enseignants. Tu peux mater le CV, les prods repartent enseignants. Riff à stock, l'incomparable à tout ce que les profonds ne riment pas. Ce choc et t'envoie dans un coma. On veut de la qualité comme la verdure des Pays-Bas. Le point levé, Bellec, s'il y a un Pays-Bas. Tu sais ce qui t'attend si t'obéis pas. Les prods sont marqués comme des chiens pour leur territoire. Qualité comme la verdure des Pays-Bas. Le point levé, Bellec, s'il y a un Pays-Bas. Tu sais ce qui t'attend si t'obéis pas. Les prods sont marqués comme des chiens pour leur territoire.